Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est samedi et c'est l'heure du Disco Funk avec votre serviteur, bien sûr. On attaque avec la découverte du jour. Gene Carne, vous connaissez ? Né à Columbus aux États-Unis en 1947. De son vrai nom, Sarah Jean Perkins, elle se fait appeler Gene Carne. Elle a une activité musicale pendant 20 ans, de 1976 à 1996. Son plus grand hit disco, c'est Was That All It Was, paru sur l'album When I Found Your Love, sorti en 1979. Le titre ne sera même pas classé dans le top 100 US, mais fera quand même la joie des dance floors. Ça va vous mettre dans l'ambiance! Pour les 100 hits aujourd'hui, c'est Stardust qui va avoir l'honneur des projecteurs. Le titre classique qui restera, c'est ainsi que ce que qualifie Bob Sinclair, la chanson de Stardust, Music Sound Better With You. Alors le titre est directement influencé par le disco et le funk qui a pour vocation de séduire les dance floors. En 1995, Thomas Bangalter, la moitié de Daft Punk, produit le DJ Alan Brax. Ce dernier invite Thomas à venir un jour sur scène jouer du clavier lors d'un concert. Lors d'une répétition, il sample des morceaux de Fate de Chaka Khan et rajoute divers mix. Benjamin Diamonds, alors présent, rajoute une voix et un chant funky. La musique sonne mieux avec toi. Ils l'enregistrent et le sortent en single accompagné d'un clip. On y voit un enfant américain montrer une maquette d'avion. Derrière lui, des clips passent sur une vieille radio. L'un d'entre eux montre trois hommes, notre fameux trio, dans un décor céleste. Sur l'écran s'affiche le nom, leur nom et leur classement dans un top 5 imaginaire. Le succès est phénoménal. On recense 2 millions de CD vendus dans le monde. Peu de temps après l'album Homework de Daft Punk, Bangalter assoit sa réputation de producteur. Mais ça, c'est une autre histoire. et Mr. Funk sur Fat Jam. Pour la phase B, on va écouter la phase B de Beat It. Burn This Disco Out est issu de Off The Wall, sorti quelques années plus tôt. Un bon son disco à ne surtout pas suivre la recommandation de brûler notre cher disco, bien sûr. Écrit en 1979 et diffusé en 1983, ça donnait ça. C'est parti pour le maxi. Melba Moore et son Keeping My Lover Satisfied. Ça vous dit ? Extrait de l'album Never Say Never, paru en 1983. Il s'agit d'un des derniers gros tubes de la chanteuse. Et ça lui vaudra d'ailleurs une nomination aux Grammy Awards. Le titre atteindra une honorable 14e place dans les hits US. C'était toujours en 1983, comme le titre avant, et ça donnait ça. We'll be right back. La pépite, vous connaissez SOS Bond bien sûr, mais le titre Just the Way You Like It, pas sûr. Alors on va réparer cette carence. En 1984 sort, selon la critique, l'album le plus abouti du groupe, Just the Way You Like It. Il y aura pas mal de tubes et le groupe est alors à son apothéose. Il y restera encore 2 ans plus tard avec Sand of Time qui contiendra The Finest. Moi, j'ai choisi de vous faire écouter le titre éponyme, et ça, c'est maintenant. It's all yours. Have a good time. Fat Jet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Il est temps de se quitter. Quelque chose me dit que nous allons nous retrouver samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.